Tu as raison. Dis, Yvonne, Oui? ça ne t'inquiète pas un peu? Quoi? Valérie et ce jeune Louvier. Mais non, voyons. D'habitude, Valérie est assez timide. Depuis quelque temps, elle est devenue sûre d'elle-même. Et j'en suis ravie. Il me plaît, ce garçon. Je dois dire qu'il me plaît à moi aussi. Une autre chose m'inquiète un peu. Quoi? Je n'ai rien à me mettre. Toi non plus. Comment toi non plus? Tu as énormément de robes. Tu en as apporté des quantités de Québec. Et puis tu en as acheté plusieurs ici. Tu sais bien que je vais emporter au Canada quelques robes de Paris. Tu as raison. Je n'ai pas vraiment de robe pour sortir le soir. Eh bien, emprunte quelque chose à Valérie. Elle a des quantités de robes à te prêter. Excellente idée! Sa robe mauve me va très bien. Je l'ai portée une fois ou deux, je me rappelle. Elle est peut-être un peu claire, mais elle ne fait pas trop jeune. Et moi? Je ne sais pas, moi. Ça m'est égal, n'importe quoi. N'importe quoi. Je te remercie. Je ne peux tout de même pas aller au théâtre habillé n'importe comment.